بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، الحمد لله كم له علينا من نعم، وهو القائل سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إخوة الإسلام، نعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى وكثيرة، لكن الإنسان ظالم لنفسه، ناكل لأنعم الله سبحانه وتعالى. فالنعمة يجب أن تشكر لكي تزيد، وإلا ذهبت. وإن الله سبحانه وتعالى دعوه إن شاء الله سبحانه وتعالى avec combien de bienfaits avec lesquels nous accomplit. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci: il vous a accordé ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et ingrat. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux nous concernant, mais combien nous sommes ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils durent, il faut qu'on soit reconnaissant et qu'on accomplisse l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-ikhwati al-mu'minun, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran mubarakan fih. Ha nahnu qadayna shahra ramadhan في الصيام والقيام الذي حرمنا منه بسبب ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى لنا بجائحة كورونا لمدة عامين بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفة أوامر ربنا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. خيخ ويون الله سبحانه وتعالى لون شاء الله سبحانه وتعالى نفولا نفنون دو تغميني لمواد رمضان دول جن et dans l'accomplissement des prières nocturnes. Alors qu'auparavant, qu'il y a 2 ans, nous en étions privés à cause de cette pandémie qui est Corona, dont la cause est tout simplement nos péchés, dont la cause est tout simplement notre désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dont la cause est tout simplement notre divergence avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa rabbuna yaqul وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهل من رجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ هل من توبة نصوح؟ وهل من رجوع إلى طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ donc il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ce qui vous arrive, c'est le fruit de vos œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup. Est-ce que nous devons revenir, frère d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui obéir et accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut subhanahu wa ta'ala, et selon la voie et la sunna de son prophète alayhi salam et de ses nobles compagnons radhi Allah alayhim. Ibad Allah, ha nahnu na'ishu al-yawm farhatan 'azima bi'id al-fitr al-mubarak wa bil-ijtima'i li salat al-'id بعد أن حرمنا منها لمدة 2 سنين. فالحمد لله على فضله وإحسانه وجوده وكرمه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Voilà, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, nous voilà vivre cette grande joie, qui est la joie de l'Aïd, cette fête qui clôture le mois de Ramadan, qui clôture le jeûne après, et nous voilà réunis, encore une fois, après avoir été privés de ces réunions pendant plus de 2 années. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, toute la louange et tout le bien revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah, nous devons proclamer sa grandeur comme il se doit, sa louange comme il se doit, et se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. فنحن إخوة الإسلام خرجنا من بيوتنا حامدين الله ومعظمين له ومكبرين لنعمته علينا بإتمام الصيام والقيام، شاكرين لله ولخيره وتوابه راجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا عيدنا هذا أعواما عديدة على حسن طاعة وخير عمل. Nous voilà, frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, et sur en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes sortis de nos demeures et de nos maisons. On louons Allah subhanahu wa ta'ala. On proclamons la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vénérons Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur. Parce qu'il nous a comblés d'avoir jeûné ce mois de Ramadan. Parce qu'il nous a comblés d'avoir accompli les prières nocturnes. Et nous espérons le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous espérons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous espérons les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre d'autres fêtes comme celle-ci. Et d'autres ramadans comme celui que nous venons de passer. Beaucoup d'années dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyu al-ikhwat al-mu'minoun. Hariyun bina. Wa nahnu na'ishu farhata hada al-eid. أن نتذكر أمورا مهمة لا ينبغي أن تغيب على أذهاننا في هذا اليوم المبارك. فلنتذكر أيها المؤمنون ونحن في فرحة عيدنا إخواننا توفاهم الله سبحانه وتعالى وأدركهم الموت فلم يدركوا يومنا هذا، فهم في قبورهم محتجزون وبأعمالهم مرتهنون وبما قدمت أيديهم في هذه الحياة مجزيون، وسنصير إلى ما صاروا إليه عما قريب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم. فيجب علينا أن ندعو لأمواتنا أن يغفر الله لهم وأن يتجاوز عنهم السيئات ويتقبل منهم أعمالهم. لأن الله سبحانه وتعالى il est de devoir du musulman durant cette noble fête, durant cette joie que nous vivons durant cette journée, de se rappeler nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu assister avec nous à cette fête et à cette prière, qui sont dans leur tombe, qui sont morts avant l'arrivée du mois de Ramadan au milieu du mois de Ramadan. Et là, ils sont tous, il faut avoir une pensée pour eux et faire des doigts pour eux. Ils sont dans leur tombe, ils sont enfermés dans leur tombe, entourés de leurs œuvres. Et ils dépendent de leurs œuvres dans leur tombe. Et ils dépendent de ce qu'ils ont avancé dans ce bas monde. Ils l'ont retrouvé à l'intérieur de la tombe. Et nous allons bientôt les suivre. Ils se retrouvent dans la même situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Ils sont trouvés. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur pardonne. Et qu'il accepte de leurs bonnes œuvres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous les rejoignions. Alors en étant soumis comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala. ونتذكر إخوة الإسلام ونحن نعيش فرحة العيد بصحة وعافية. إخوانا لنا وأخوات لنا أقعدهم المرض وعاقهم عن مشاركتنا، بعضهم في المستشفيات وبعضهم في البيوت منذ شهور، ومنهم من لا يغمض عينا ولا يهدأ له بال في آلام متعبة وأوجاع مؤلمة. لا بد إخوة الإسلام ونحن في هذه الفرحة il est obligatoire pour nous et en cette noble joie et cette grande joie que nous vivons alors que nous sommes en bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de la santé. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons penser, avoir une pensée à nos frères qui n'ont pas pu venir assister avec nous, qui sont malades plusieurs mois, plusieurs années, certains dans leur maison, certains dans les hôpitaux. La maladie n'a pas pu les a empêchés d'assister à ce grand bienfait, mon Allah Azza wa Jal. Il y a parmi eux certains qui souffrent, qui n'arrivent même pas à dormir, tellement la douleur qu'ils subissent est tellement énorme. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين فلنحمد الله عز وجل على ما من به علينا من صحة وعافية ونسأله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين ويزيل بأسهم وهمهم ندبون لو الله سبحانه وتعالى avec pour la santé avec laquelle il nous accomplit سبحانه وتعالى et nous demandons à الله سبحانه وتعالى qu'il guérisse les musulmans et les musulmanes et qu'il dissipe leur maladie, leur douleur. ونتذكر أيها الإخوة المؤمنون ونحن نعيش فرحة العيد في أمن وأمان وراحة وطمأنينة إخوانا لنا في مشارق الأرض ومغاربها أهلكتهم الحروب وأقلقتهم الفتن فلنحمد الله عز وجل على نعمة الأمن ونعمة الأمان ونسأله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها فون الله سبحانه وتعالى nous devons nous rappeler durant cette noble fête et ce grand jour et faire les louanges à Allah سبحانه وتعالى pour la sécurité dans laquelle nous sommes et dans la vie quiète que nous menons alors que à travers le monde il y a nos frères qui subissent des guerres qui sont éprouvés par des guerres, qui sont éprouvés par des perturbations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage. Et nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour son grand bienfait, qui est le fait de la paix, le fait de la sécurité. Et ça, c'est un grand bienfait que nous devons préserver. Et nous ne devons pas tomber dans la voie de ceux qui font la corruption sur terre. Nous devons faire très attention, hein, qu'on ne soyons pas un élément perturbateur dans la société dans laquelle on vit. Nous devons respecter les lieux dans lesquels nous sommes et nous ne devons pas suivre la voie de ceux qui appellent à la haine ou qui appellent aux assassinats et ainsi de suite. Cette voie d'Yel Dawa'ij et cette voie d'Yel Qaïda, ce ne sont que des voies de l'égarement et des voies du corrupteur sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les corrupteurs. الله لا يحب الفساد في الأرض سبحانه وتعالى ونتذكر ونحن نعيش فرحة العيد بالملابس الجميلة والمظاهر الأنيقة إخوانا لنا أرقهم الفقر وأقعدتهم الحاجة فمنهم من لا يجد لباسا يليق به ومنهم من لا مسكن له يأويه ولا طعاما يشبعه ويغديه فلنحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من خير ولا ننسى من مد يد المساعدة لإخواننا بكل ما نستطيع ونسأل الله عز وجل أن يغنيهم من فضله فلا نبخل عليهم بما نقدر عليه وربنا يقول سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا فإن الله سبحانه وتعالى alors que nous vivons cette joie de Eid al-Fitr avec nos beaux vêtements dans une élégance, hein, il faut qu'on se rappelle, alors qu'on est élégant, qu'on a trouvé des vêtements propres, des vêtements neufs, et ainsi de suite, qu'on se rappelle le frère dans la pauvreté, le frère dans le besoin, le frère qui ne trouve pas un vêtement à mettre sur le dos, un vêtement convenable à mettre sur le dos, certains qui n'ont pas de logement où s'abriter, et d'autres qui ne trouvent même pas la nourriture d'un jour. Nous ne devons pas les oublier avec nos du'as, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de ses bienfaits. Et nous devons les aider matériellement et avec nos du'as, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de ses bienfaits. Et il est dit dans le verset que j'ai cité ici, ce que vous mettez, la traduction approximative, ce que vous mettez en avant, vous allez le trouver. Ce que vous mettez en avant, en bien, vous allez le trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est mieux pour vous. Il sera encore plus grand. Et plus la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus géante que ce qu'on peut imaginer, ou l'idée qui peut nous venir à la tête est trop petite par rapport au grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-ikhwatul mu'minoun. فعلينا أن نتذكر ونحن نعيش فرحة العيد بإكمال الطاعة في رمضان وإتمام الصيام والقيام إخوانا لنا قيدتهم الذنوب هم عبيد للمعاصي فتنافس الصالحون وتنافس الناصحون لأنفسهم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأولئك عن طاعة الله متقاعسون، وفي المعاصي والآثام منغمسون بدون أن يشعروا بخسارة مواسم الخير. فعلينا أن نحمد الله عز وجل صباحاً ومساءً، فهو الموفق سبحانه وتعالى، فالموفق من وفقه الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد إخواننا إلى رشدهم وأن يهديهم، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فقول الله سبحانه وتعالى: alors que nous vivons cette noble joie de la fête de l'Eid, cette joie d'avoir complété le jeûne, d'avoir complété l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans le jeûne, dans les prières nocturnes, qu'on se rappelle nos frères qui sont des esclaves de leurs passions, qui sont des esclaves des péchés et de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Les vertueux, ceux qui sont dignes du conseil pour eux-mêmes, se sont rivalisés dans le bien et dans le fait dans le bien pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils ont baigné dans la débauche, dans la désobéissance, hein, sans sentir la valeur de cette noble saison qu'ils viennent de rater. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons le louer matin et soir d'avoir fait de nous des soumis et des gens qui accourent vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la réussite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. Et nous devons faire dua pour nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène vers la voie, vers qu'Allah subhanahu wa ta'ala les oriente dans le bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène vers le bien et vers la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul qui guide subhanahu wa ta'ala. Wa tadhakkaru ikhwat al-islam wa antum fi farhat al-eid anna Allah akramana subhanahu wa ta'ala بتصفيض الشياطين من أول ليلة في رمضان، فلا ننسى أنهم منذ ليلة البارحة خرجوا من قيودهم، خرجوا من قيودهم. ونتذكر قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولا يمكن أن نحترز منه إلا بذكر الله عز وجل وبالمحافظة على طاعة رب العباد وتجنب المعاصي. Et qu'on se rappelle, frère, en Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on vit cette joie de cette fête, que la première nuit du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a enchaîné les shayatin. Et la dernière nuit de ce mois de Ramadan, les shayatin sont sortis de leur enchaînement. Hein? Sont sortis de leur enchaînement. Alors nous ne devons pas oublier, nous devons faire très attention que les shayatins sont libres maintenant. Et nous devons nous rappeler le verset qui nous dit dans sa traduction approximative du sens du verset, hein, Shaitan, certes, Shaitan est votre ennemi, prenez-le comme tel, car il appelle son parti vers l'enfer. Et pour se préserver de Shaitan, il n'y a qu'un seul moyen, l'invocation d'Allah. L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, s'éloigner de la débauche, s'éloigner de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut. Il a invoqué matin au soir. Ayyuha l'ikhwati al-mu'minun, wa natadhakkar anna shahra ramadhan hadha, shahra ramadhan hadha alladhi wadda'nahu mawsimun azim للتعود على الطاعة والتمرن عليها ولتقوية الإيمان والاجتهاد في العبادة، فهو مدرسة تربوية إيمانية عظيمة ينشط فيه المسلم على الطاعة. ولهذا فقبيح بالمسلم أن يتخلى عن العبادة والطاعة بعد رمضان. والله سبحانه وتعالى ندفون غبلي كسنوب لمواد رمضان تبين بلوكيتي اتنوب لسيزون est une saison très importante pour s'entraîner et pour s'habituer à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour renforcer notre foi et l'augmenter, et pour faire des efforts dans l'adoration. C'est une école éducative, c'est une énorme école éducative au niveau de la foi. Et durant le mois de Ramadan, comme tout le monde l'a senti, la personne est vive et active dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans les adorations. C'est pour ça qu'il est très mauvais que le musulman, après s'être habitué à adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, de délaisser l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan et revenir à la débauche après que Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré pendant un mois, à lui obéir et à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées où s'accomplissent les prières et ainsi de suite. Faya man arafta Ramadan, ya man arafta fi Ramadan anna Allah awjaba alayka salawat al-khams fi al-masajid, كيف تتجاهل ذلك بعد رمضان؟ كيف تتجاهل ذلك؟ لا يحسن بك ولا يليق بك وأنت المسلم الذي سلمت أمرك لله، لا يحسن بك أن تتخلى عن طاعة الله بعد رمضان. سئل بعض السلف رحمهم الله عن هؤلاء، عن حال هؤلاء، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فلا تكن من هؤلاء يا أخي الإسلام. فإذا هداك الله فالتزم طاعة الله عز وجل واشكر نعمته، فإنها نعمة عظيمة أنعمها الله عليك. فإن الله سبحانه وتعالى تواك يكون لمواد رمضان لكي يسو الله سبحانه وتعالى تفيو بلغة تواك لبخيار ديغون لمواد رمضان يوندو لمواد رمضان لكي تسو prendre le chemin des portes du mosquée, comment il l'ignore après le mois de Ramadan? Comment peut-il l'ignorer après le mois de Ramadan? Il ne sied pas aux musulmans et aux soumis à Allah subhanahu wa ta'ala d'oublier les portes et le chemin du mosquée après le mois de Ramadan. Certains de nos pieux prédicteurs, d'Allah alayhim, ils ont été questionnés sur la situation de ce genre de personnes qui ne connaissent Allah que durant le mois de Ramadan et la prière que durant le mois de Ramadan, qui ne connaissent le mosquée que durant le mois de Ramadan, le Coran que durant le mois de Ramadan. Il a dit: malheur à ces gens-là, ils ne connaissent Allah que durant le mois de Ramadan. Akhal Islam, ne fais pas partie de cela. Sois digne du conseil pour toi-même. Kun nasiha li nafsika akhal Islam, la takun mitla haoula. Wa lidhalika yajibu alayna ikhwat al-Islam an natadhakkara anna rabba ash-shuhuri wahid. فرب رمضان هو رب شوال، وهو رب ذو القعدة، وهو رب ذو الحجة، وهو رب المحرم، وهو رب صفر، وهو رب الشهور القمرية كلها سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يعبد الله ويقبل على طاعته ويبتعد عن معصيته إلى الموت. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي واعبد ربك واطعه حتى تموت. فلنحافظ إخوة الإسلام على ديننا لأنه رأس مالنا. الإنسان هذا رأس المال، رأس الطاعة لله عز وجل والانقياد له، هو الذي سينفعك يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تغتر بالدنيا، فالدنيا زائلة مهما كتلت عندك أو قلت فهي زائلة. فلا تبع آخرتك الدائمة بدنياك الفانية. أن الله سبحانه وتعالى سي pour ça qu'on doit se rappeler que le souverain des mois il est unique. Il est le souverain du mois de Ramadan comme il est le souverain du mois de Shawwal, comme il est le souverain du ذو القعدة, du الحجة, ainsi que le Muharram, ainsi que tous les mois de l'année. Donc il est obligatoire de soumettre Allah سبحانه وتعالى, d'adorer Allah سبحانه وتعالى, d'avancer, de s'orienter vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci jusqu'à la mort. Comme il est dit dans la traduction du sens du verset: adore ton souverain jusqu'à la mort. فمن واجب علينا أن نحافظ على ديننا وعلى طاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم de préserver notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Car notre religion, c'est notre capital. Il n'y a pas de commerçant qui délaisse son capital partir comme ça. Et c'est ce qui va nous servir quand nous allons retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où rien ne va servir, ni la femme, ni la fortune, ni les enfants, ni les bâtiments, peu importe le bienfait dans lequel tu seras dans ce bas monde, et que tu es Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente. Il a prolongé Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe la misère dans laquelle tu es dans ce monde, il a pauvreté dans laquelle la fin c'est la tombe, la fin c'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'heureux c'est celui qui arrivera devant Allah subhanahu wa ta'ala avec une grande soumission. Face à Allah al-Azim, رب العرش العظيم يا أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام سألوه سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه سألوه سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه سألوه سبحانه وتعالى أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا اللهم رد إليك ضال المسلمين ردا جميلا اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم عافي مبتلى المسلمين اللهم عافي مبتلى المسلمين اللهم عافي مبتلى المسلمين اللهم شافي مرضى المسلمين اللهم شافي مرضى المسلمين اللهم شافي مرضى المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم فرج كربهم اللهم اجمع عنهم البحث اللهم فرج كربهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سألوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على إعانة على إقامة الدين وأن يرزقهم سبحانه وتعالى بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم.